Laitier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Neuvième épisode. Fables politiques et chimériques, où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Yegor lance les démarches pour épouser Irina. Daria conseille à Véronica de fouiller le portefeuille de Semyon à la recherche d'une trace de leur fille. Véronica y découvre le certificat médical du psychiatre, apportant la preuve que son mari souffre de somnambulisme et la photo d'une belle blonde. Entre-temps, Semyon se munit d'un dictaphone pour épier ses balades nocturnes. Mais une nuit, tout dérape. Il se jette d'un pont. Heureusement, Volodka, qu'il suivait, le sauve de la noyade. Valia et Dima, eux, se prennent à rêver à de nouveaux horizons, sans cadavres et sans ampoules mystérieuses. La sensation de bonheur peut naître sans raison, et peut-être même quelquefois avec de tristes raisons. Ainsi, les histoires se poursuivent. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Ce matin-là, Yegor prit un petit déjeuner en tête-à-tête avec Irina. Puis la mère d'Irina vint à son tour s'attabler, une tasse de thé à la main. Depuis la veille au soir, elle avait une sérieuse envie de parler. C'est le printemps et on n'a encore rien semé. Peut-être bien que vous pourriez patienter jusqu'à juin pour les épousailles. Ce sera la saison des pommes de terre nouvelles. C'est que ça reviendra cher, sinon. Maman. On n'aura rien à donner à manger aux invités. Ils vont être plus d'un, les invités. Les voisins, ceux du conseil du village, l'infirmière chef et son mari. Pourquoi les invités? On fêtera ça discrètement, sans grand noce et sans publicité. Et comment qu'ils seront au village que tes plus vieilles mères? On fera un buffet, ça sera plus économique, hein? C'est quoi ce truc-là? Un banquet, mais debout, comme à la ville. Pour que les invités se fatiguent plus vite et rentrent plus tôt chez eux. Oh, mais y a que les alcooliques pour boire debout. Et puis on installe où votre buffet? On pourrait dresser des tables dans la cour. Mais si le temps tourne à la pluie, sans compter que notre cour n'est pas très grande. Nous ferons ça au café, c'est plus simple. Au bistrot? Ah oui, je les paierai. Ils nettoieront le local et font la décoration. C'est assez grand pour accueillir une trentaine de personnes. S'ils sont 30, on pourrait aussi bien les asseoir à une table. Pourquoi les tourmenter? Ah, c'est vrai. C'est possible aussi. Sentant venue l'heure de sa victoire, la mère d'Irina se leva et sortit du placard une bouteille entamée de vin doux. Après quoi, elle remplit chacun des verres à la moitié. Aux jeunes mariés. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. C'est la sonnerie du portable qui força Semyon à ouvrir les yeux. En entrant dans la cuisine, il découvrit son portefeuille posé sur l'appui de fenêtre. La photo d'Alissa et le certificat avaient disparu. Semyon gagna la salle de bain. Il y trouva sa veste jetée sur le rebord de la baignoire. Une étrange odeur de marécage lui frappa les narines. Il fouilla les poches. L'étui de cuir du téléphone était mouillé, mais l'appareil fonctionnait toujours. Le dictaphone donnait lui aussi des signes de vie. Oui? Volodka? Ah, le sous-marinier est revenu à la vie. Arrête de blaguer, s'il te plaît, je suis dans une merde atroce. Véronica a fouillé dans mon portefeuille. Elle a pris la photo d'Alissa et le certificat du médecin. Et tous mes vêtements sont trempés. Reste chez toi et attends. J'arrive. Ok, je t'attends. Volodka arriva 40 minutes plus tard. Il raconta à Semyon le déroulement de la nuit passée. Et voilà. On peut dire que tu l'as échappé belle. Mais ça veut dire quoi? Qu'on a voulu me tuer? On dirait bien. Quelqu'un t'a appelé sur ton portable et a voulu t'expliquer quel était le plus court chemin vers l'autre monde. Attends, laisse-moi écouter le dictaphone. Allô, Semyon? Oui, Arkady Petrovitch. Je vous ai reconnu. Vous avez parlé de l'ambassade de la Lune à quelqu'un? Bien sûr que non. Vous êtes suivi. Je vais vous aider à vous soustraire à la filature, ensuite nous causons. Marchez vite et sans vous retourner. Descendez la rue Provesnaya. Provesnaya. Vous n'avez pas laissé chez vous les papiers de l'ambassade de la Lune? Personne n'est en mesure de les trouver? Non. Je les ai cachés dans la cave. Derrière les tuyaux, comme vous l'aviez conseillé. Semyon et Volodka écoutèrent l'enregistrement jusqu'au moment du plongeon. On a voulu te supprimer parce que je te suivais. Pas très logique. Mais qui est cet Arkady Petrovitch? T'as reconnu sa voix? Mais non! Tu dois avoir pas mal de connaissances nocturnes. Tu vas pouvoir t'occuper du lait sans moi aujourd'hui? Tu voudrais pas d'abord me dire merci? À cause de toi, j'ai failli me noyer, moi. Merci, merci. Je n'oublierai jamais. Très bien, j'y vais. Et tâche de prendre une bonne cuite aujourd'hui, pour ne pas te relever cette nuit. Où tu étais passé? Je me promenais. Demain matin, je vais à un enterrement. Qui est mort? Edik, le mari de Daria Ivanovna. Mais il l'a enterré depuis longtemps, non? Il est mort depuis longtemps. Mais nous ne l'avons pas encore vraiment inhumé. Daria l'a fait embaumer, mais ça n'a rien donné. Elle a décidé de le mettre simplement au cimetière. Et toi, quels sont tes plans pour demain? Ben, si je suis encore en vie, faudra que j'aille au boulot. Aujourd'hui, Volodka s'est tout tapé tout seul. Tu te rappelles, t'avais parlé d'une petite fille à adopter? Oui, je me rappelle. Je pense que... qu'on pourrait essayer. Essayer de l'adopter? Ouais. Très bien. Je vais téléphoner. Très bien. Semyon composa le numéro de Gennady Ilitch. Celui-ci lui proposa de le rejoindre dans son église. Gennady Ilitch? Assieds-toi. Je t'écoute. Ma femme est d'accord. D'accord, pourquoi? Eh ben, vous vous rappelez, vous m'aviez posé la question à propos d'une fillette à adopter. Oui, je me rappelle, oui. Je me rappelle très bien. Eh ben, ma femme est décidée cette fois. Excuse-moi, je suis pas très en forme en ce moment. Cette conne! La femme dont je t'avais parlé après avoir accouché, elle est allée abandonner l'enfant devant la porte du Parlement. Sans même prévenir la sécurité. Sans même m'en dire un mot. D'habitude, les agents les ramassent tout de suite et conduisent à l'orphelinat, mais là, non. Je sais pas, je comprends pas. Personne n'a vu ce bébé. Et qui est cette conne? Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Ce qui compte, c'est que la fillette a disparu. C'est une môme importante, avec des bons gènes, et quelqu'un a chouré la gosse. Mais si tu la retrouves, elle est à toi, Semyon. À toi, sur le champ. Les papiers d'adoption te seront apportés à domicile. T'auras plus qu'à changer les couches et aller chercher le lait au lactarium. Et même ça, ça sera pas la peine. On te livrera ton lait sans que tu aies à bouger le petit doigt. Tu as juste à la retrouver. Il faudrait parler avec elle, avec la mère. Mais pourquoi faire? Il le faut. D'accord. Tu vas lui parler. Tu pionces, espèce de boudin? Moi, je dors pas, salope. Je peux pas dormir à cause de toi. Alors tu vas tout raconter au mec que je vais te passer maintenant. Pigé? Oui, allô? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé exactement? Je l'ai enveloppé dans une couverture. Je l'ai emporté. Je l'ai déposé sur la marche du haut, juste devant la porte, là où il y a deux statues. Mais devant la porte de quoi? Mais quel con te l'a déjà dit? Sur les marches du Parlement. Devant l'entrée du Parlement. Quand? Le 5 mars. À quelle heure? Vers 3 heures, je crois. Et il y avait quelqu'un à proximité à ce moment-là? J'ai attendu que le milicien passe le coin. J'ai vu personne d'autre. Connasse. Alors, tu vas la chercher? Ouais. Dans ce cas, vas-y, allez. Bouge. Allez, va. Aéroport de Borispol. Au matin, à sa plus grande surprise, une voiture du service des douanes va chercher Dima. Dans un bureau du premier étage de l'aéroport, un petit homme aux cheveux coupés ras, en uniforme d'aviateur, l'accueillit, la mine préoccupée. Peut-être vous rappelez-vous qu'au début de l'année, nous avons eu un incident. Une valise contenant un médicament expérimental a disparu. Je veux juste vous remettre en mémoire deux ou trois petites choses. Par exemple, les deux bagagistes qui travaillaient à cette époque en équipe avec vous ne travaillent plus chez nous à l'aéroport. Boris et Genia. Ils sont morts. Ils sont morts, mais vous, non. La valise voyageait de manière officielle, mais pas très légale. Il se trouve qu'elle a fait l'objet de recherches, non officielles, mais intensives. On nous a posé des questions sur vous. Sur moi? Sur les ampoules qui refaisaient surface ici et là. Et brusquement, l'affaire a été bouclée, étouffée. Or, voilà qu'aujourd'hui, après 2 mois de silence complet, nous arrive l'ordre de tout oublier de cet incident. De détruire tous les documents et les procès-verbaux. Vous allez devoir, vous aussi, vous plier à ces instructions. Oublier? Mais je me souviens déjà de rien, de toute façon. Remplissez quand même ça. Et signez. Je certifie avoir été informé des propriétés de la turbosclérine et de ses éventuels effets secondaires. Je certifie également avoir absorbé de mon plein gré cette préparation à la dose prescrite. Aucune contrainte n'a été exercée sur moi. Vous voyez à quoi mène la démocratie. Autrefois, on se serait contenté de vous flanquer la trouille. On vous aurait aussi tabassé un peu. Alors qu'aujourd'hui... Vous avez des questions? Qu'est-ce que c'est, ce médicament? Un produit qui permet, à partir de certains mots-clés, d'effacer de la mémoire tout souvenir des événements et des personnes liées à ces mots. 2 comprimés, puis 5 minutes en compagnie d'un psychologue hypnotiseur, et vous êtes libre. C'est possible de refuser les comprimés? Non. Mais vous avez tort de vous en faire. Vous oublierez simplement tout ce que nous avons besoin que vous oubliez. Et vous continuerez à vivre tranquillement. L'homme sortit du tiroir de son bureau un comprimé qu'il jeta dans un verre d'eau. Dima compléta l'attestation, nota la date et signa. Après quoi, il but d'un trait le contenu du verre. Devant ses yeux, le bureau commença à s'élargir. Les murs reculaient. L'air lui parut brûlant, comme en fusion. Un autre homme en uniforme entra dans la pièce et s'approcha tout près de Dima. Ampoule. Valise noire. Bagagiste. Boris et Genia. Remède contre le cancer. Cour d'immeuble abandonné au numéro 121 de la rue du 9 mai. 121. Puis désaffecté. Puis désaffecté. En double. Valise noire. Kiev, avenue de la Victoire, bureau central des mariages. À 18h45 pile, comme convenu, Yegor arriva dans le hall presque désert et se dirigea vers le guichet de l'état civil. La même femme que l'autre fois posa les yeux sur lui. Vous avez apporté les deux passeports ? Oui. Remplissez le formulaire de déclaration. Et signez aussi pour elle. Ensuite, on choisira la date. Marquez le 12 février. Signez encore ici. Ici. Et puis là. Voilà. Ceci est votre certificat de mariage. Une copie restera ici aux archives. D'accord. Oui. Ah oui, oui. Yegor sortit deux billets de $100 et les lui tendit. Posez-les sur la table. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Chez Irina, une surprise l'attendait. Une table était dressée, recouverte d'une nappe. Irina entra dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai le certificat. Yegor la prit dans ses bras, l'embrassa. Et elle se serra contre lui si fort qu'il sentit la chaleur de ses seins brûlant à travers sa veste, sa chemise et son maillot de corps. Ils burent d'abord le vin pour le bonheur, puis un verre de vodka pour la solidité de la famille. Allez, embrassez-vous. Kiev, parc Mariinsky. Le lendemain matin, vers 8h, Semyon descendit à pied jusqu'au Parlement. Il s'arrêta près du milicien en faction devant la barrière métallique et montra à l'agent sa carte d'assistant parlementaire. Je peux vous poser une ou deux questions ? Allez-y toujours. Dans la nuit du 5 mars, un bébé a été abandonné ici, devant le Parlement. Une petite fille. Vous n'avez rien entendu à ce sujet ? Ah, ça arrive chaque mois. Et l'hiver, c'est encore plus fréquent. Pourquoi c'est plus fréquent en hiver ? Les pique-niques de députés, la fête du 1er mai. Ajoutez 9 mois, vous arrivez en janvier-février. Et cette fillette-là, vous en avez entendu parler ? La nuit du 5, j'étais pas de service. Mais on n'est pas les seuls ici. Il y a la sécurité du palais Mariinsky. En cas de découverte d'un enfant abandonné, on a des instructions très précises. Il faut avertir notre supérieur qui téléphone à la clinique. Les types arrivent et embarquent le bébé. Attendez, je vais me renseigner. Vitya, le 5 mars, il n'y a pas eu de poussin tombé du nid ? Non, rien le 5. Fin février, il y en a eu un. Je vous l'avais dit. Vous pouvez toujours interroger les gars de la vidéosurveillance. Ils auront qu'à visionner la bande la nuit en question. Une demi-heure plus tard, Semyon était en pleine conversation avec un milicien assis devant le pupitre de contrôle du poste de vidéosurveillance. J'ai ce que vous voulez. Regardez. Celui-ci trouva le fragment de bande vidéo dont il avait besoin. Le film était en noir et blanc. Vous pouvez agrandir l'image ? Bien sûr. On discernait une femme marchant vers l'entrée du Parlement, un bébé enveloppé d'une couverture dans les bras. Elle déposait son fardeau sur la marche supérieure du perron, puis s'éloignait, en se retournant plusieurs fois. Qu'est-ce qu'elle fait ? Peu après, on voyait un homme s'approcher, se pencher sur le paquet, s'en saisir et disparaître du champ. Vous connaissez cet homme ? Affirmatif. C'est Yegor. Il bosse ici à la sécurité. La zone dont il est responsable, c'est la partie du parc Mariinsky, qui s'étend devant le palais. Thank you. Borispol, rue du 9 mai. Dima était étendue sur le lit, la tête enveloppée d'une serviette. Oh, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai eu si peur. J'ai attendu jusqu'à 6h30. Mais pourquoi? J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Oh, mais non. Je suis allée au boulot, j'ai donné ma démission. J'ai eu tellement peur. Dima avait un souvenir flou du type en uniforme d'aviateur qui avait dicté à sa conscience embrumée les mots qu'elle était censée effacer. Ampoule, bagagiste, valise noire. Il se rappelait non seulement les mots en question dans leur ordre exact, mais il fut saisi de frayeur en constatant qu'il n'avait justement rien oublié. Après l'incendie venait une enquête sur un meurtre. Dans une rue du centre de Kiev, un homme élégamment vêtu gisait dans une mare de sang, la gorge déchiquetée. Il apparaît qu'actuellement aucun parc zoologique n'a signalé la disparition de félins de cette taille. Pourtant, le corps montre d'indiscutables traces de griffes. La blessure qui a entraîné la mort, selon les enquêteurs, ne peut être due qu'aux dents et aux crocs d'un animal carnassier. En 3 semaines, c'est le second cas d'agression mortelle d'un être humain par un fauve. Dans le premier cas, survenu la nuit, la victime était un toxicomane inculpé dans une affaire criminelle et laissé en liberté surveillée dans l'attente du procès. Dima éteignit la télévision, puis alla au garage. Il s'installa dans son coin favori sur un tabouret. Son regard tomba sur la soucoupe sale dans laquelle Mouric avait lapé le contenu de l'ampoule. Ampoule dont Dima était censé avoir perdu tout souvenir après le comprimé avalé à l'aéroport. Il se leva, marcha jusqu'aux portes du garage et les verrouilla de l'intérieur. C'était « L'étier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavery, les narrateurs. Et Clara Noël, Émeric Le Serre, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Olivier Cruveillé, Marie Daude, Émilie Gavois-Kahn, Ariane Blaise, Damien Le Délésir, Farid Bouznad, Christine Braconnier, Pierre Carbonnier, Norbert Ferrer, Yvon Martin, Charlie Nelson, Raresh Yenesoaï, François Clavier, Bruno Abraham Kremer, Lionel Mur, Léo Reynaud, Sabrina Baldassara, Sylvain Gauthier et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Musique originale, Damien Salançon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Emmanuel Armand. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Pascal Deux. L'étier de nuit, de Andrei Kourkov, traduction Paul Lequen, est publié aux éditions Liana Lévy. Chaleureux remerciements à Félix Blum.